Le porte-parole du comité coréen pour la paix en Asie-Pacifique a publié le 13 septembre un entretien qui dit « À cause de la pire provocation des forces hostiles qui prétestent notre essai d'explosion de l'ogive nucléaire, la situation dans la péninsule coréenne devient de plus en plus dangereuse. Les États-Unis et leurs suivistes crient comme si une bombe atomique est tombée au centre de Washington ou de Séoul. Ils ont poussé l'ONU à publier une soi-disant déclaration de la presse et prétendent une mesure de sanctions ultra dure d'étouffer le Nord et affichent des frappes militaires préventives contre nous pour porter à l'extrême la menace et le chantage. La bande de Bakunin est plus frénétique que les autres. Revenu en hâte à la Maison Bleue, sans achever sa tournée pour la quémanderie à l'étranger, ahuri par notre essai d'explosion de l'ogive nucléaire, Bakunin tient des conciliabules presque tous les jours pour calomnier notre dignité suprême et incite ses valets à la provocation insensée contre notre République en criant comme une hystérique la proclamation de l'état d'urgence nationale et la posture résolue pour les représailles. Les autorités militaires sud-coréennes rendent public le plan d'instauration d'un soi-disant système de frappe à trois axes et le plan d'opération des représailles multiples pour neutraliser le nucléaire et les missiles de notre République et lancent sans hésiter les propos provocateurs comme avoir décidé de réduire en cendres la direction du Nord et faire de sorte que Pyongyang disparaisse de la map monde. Ce qui est grave, c'est que le plan de provocation est déjà mis en exécution. De concert avec les États-Unis, les autorités fantoches cherchent à déployer les biens stratégiques nucléaires, comme les escadrilles de bombardiers stratégiques nucléaires B-52, B-1B et B-2, et des sous-marins nucléaires, en Corée du Sud et à ses alentours, y a livré les exercices pour les frappes de précision contre notre direction dans les mers de l'Ouest et du Sud de Corée, avec même la flottille axée sur le porte-avions nucléaire américain Ronald Reagan depuis le milieu d'octobre. Si nous avons pris des mesures importantes successives pour le renforcement des forces armées nucléaires de l'État, c'est un choix inévitable et juste pour défendre la souveraineté et la dignité du pays et le droit à l'existence de la nation contre la pression politique et économique et la menace militaire sans précédent des États-Unis et de leurs suivistes. Récemment, nous avons livré l'essai d'explosion de l'ogive nucléaire, étape la plus élevée pour nos armements nucléaires, parce que la tentative des États-Unis et des fantoches sud-coréens qui visent ouvertement l'effondrement de notre régime et l'élimination de notre direction est devenue inadmissible. La bande de Bakunin et les autorités militaires sud-coréennes doivent bien voir leur adversaire qui a connu un changement radical et cesser de se comporter témérairement en comptant sur les États-Unis et le Japon. Au moindre signe de l'impérialisme américain et de ses suivistes pour l'élimination de notre direction visant l'effondrement de notre régime et l'occupation fulgurante de Pyongyang, nous serons obligés de donner l'ordre de tir immédiatement aux unités d'artillerie façon des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée, dotées des ogives nucléaires. Bakunin, qui ose parler de la mise à feu et à sang de Pyongyang sans savoir ce qu'est une vraie guerre, doit reconnaître avec douleur que notre ogive nucléaire qu'elle a appelée réduira Séoul en cendres en un clin d'œil. Aucune sanction, aucune provocation, aucune pression n'arrivera à nier notre statut de possesseur de nucléaire et toute provocation politique et militaire n'entraînera que le baptême nucléaire impitoyable pour la ruine finale. Nos forces armées nucléaires rempliront toutes leurs missions sacrées pour la défense de la dignité suprême et des intérêts du pays, de la souveraineté et du droit à l'existence de la nation et contribueront activement à la paix et à la stabilité de l'Asie du Nord-Est.